Tout a commencé ce matin quand tu as dit service. Je fus tiré du lit par l'emmerdeuse de service. Il fallait que cette sonnerie téléphone retentisse. Mon avocat me donne pour la journée mon premier 10. Ok, sale fils, tu vas pas me gâcher cette journée qui s'émisse. Encore alcoolisé, il se lève le métis. I got to get busy, il faut que je bâtisse. Même si cette journée commence comme l'Odyssée d'Ulysse. Every day I feel the blues in Bengaluru, that's my kung fu, my life. Do you feel it too? I see you. Every day I feel the blues in Bengaluru, that's my kung fu, my life. Do you feel it too? I see you. Every day I feel the blues in Bengaluru, that's my kung fu, my life. Do you feel it too? I see you. Every day I feel the blues in Bengaluru, that's my kung fu, my life. Do you feel it too? I see you. Il faut que je me dépêche, qu'on s'aigre avec les BLS. Mais je le sens maintenant, ça va être le stress. La police, maintenant il fallait qu'elle surgisse. Me demande mes papiers, maintenant que je rugisse. Comme moi, comme la voix plus haineuse que celle de Kelly. Destruction de Taris, je suis embarqué par la police. Juste suerte un feliz. Pour le dondo, pour les ladies. Mais ça commence mal, no. Every day I feel the blues in Bengaluru, that's my kung fu, my life. And do you feel it too, I see you. Every day I feel the blues in Bengaluru, that's my kung fu, my life. And do you feel it too, I see you. Every day I feel the blues in Bengaluru, that's my kung fu, my life. And do you feel it too, I see you. Every day I feel the blues in Bengaluru, don't fuck with me, cause everybody feels the fucking blues too. Et ils me font, ils veulent que je chope la trouille, la trouille, la trouille. Et tu sais que la haine qui veut sortir, elle me chatouille. Quand ils me traitent comme la dernière fripouille, ils me postillonnent dessus avec leur bouille. Mais ce n'est pas grave, je reste à la positivité. Écoute, oui, les deux choses qui peuvent pas me prendre, c'est mon jive à la maison et cette mélodie. Dit qu'en 2 heures j'ai concert, ils ont ricané. Et maintenant après 3 heures quand ils m'ont lâché, j'étais dégoûté. C'est là qu'elle sale cette sale sonnerie. Et je me dis ok, c'est Timon mon reflet qui me dit où t'es, on doit y aller. Quoi? J'avais oublié, tout est ok. Ma montre est retardée. Maintenant c'est l'heure de l'été. Et maintenant tout va aller mieux, on le sait. Every day I feel the blues in Bengaluru, that's my go to, my life. And do you feel it too? I see you. Every day you feel the blues in Bengaluru. Do you feel it too? I see you. Every day you feel the blues in Bengaluru. It's my kung fu, my life. Do you feel it too? I see you. Sometimes I feel the blues in Bengaluru. It's my kung fu, my life. Do you feel it too? I see you. You want it, you wish it, you love it, you get it. You want it, you wish it, you love it, you get it. You want it. You wish it, you love it, you get it. You want it, you wish it, you love it, you get it. Every day I feel the blues in Bengaluru, that's my kung fu, my life. Do you feel it too? I see you.